Notre service auprès de Dieu est toujours important. Aux yeux de Dieu, il n'existe pas de vain service. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Le service fait tout autant partie de la vie chrétienne que la foi. Mais parfois, au lieu de voir nos bonnes actions comme des occasions de plaire à Dieu, nous les voyons comme un devoir, une obligation ou même un fardeau. Aujourd'hui, Charles Stanley nous invite à un retour aux sources en nous rappelant que nos talents nous ont été donnés par Dieu pour être utilisés à sa gloire et pour exprimer notre amour. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de fois où nous aidons les gens et où nous le servons volontairement. Ce ne sont pas les choses que nous faisons, mais plutôt notre motivation et notre attitude dans le service qui l'intéresse. Nous en apprendrons plus sur l'importance de nos talents en écoutant, à présent, Charles Stanley. Vous êtes-vous déjà demandé « Comment Dieu pourrait-il m'utiliser si je mettais tous les talents et les habiletés qu'il m'a donnés à contribution? Quels dons spirituels m'ont été accordés? » Vous êtes-vous déjà donné la peine de dresser un inventaire personnel de votre vie afin de déterminer l'étendue de vos dons et de vos talents? Ou êtes-vous dominé par la loi du moindre effort? Je me demande, parmi tous les dons et talents que vous utilisez, surtout pour gagner votre vie, quelle partie vous employez pour servir le Dieu vivant? Dans la catégorie de nos talents, nous mettrons non seulement les habiletés, les talents humains accordés par Dieu à notre naissance, mais nous inclurons également ces dons spirituels qui deviennent les nôtres lorsque nous faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ouvrez votre Bible dans la première épître de Pierre au chapitre 4. Dans ce passage, Pierre écrit à des personnes qui souffrent et doivent vivre toutes sortes d'afflictions. Il les enjoint de faire preuve d'hospitalité. Ensuite, il dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Pierre dit dans ce passage trois choses extrêmement importantes pour tous les croyants. Premièrement, chacun de nous a reçu au moins un don de la part de Dieu. Nous sommes donc tous doués pour quelque chose. Nous avons des habiletés et des talents innés, c'est-à-dire avec lesquels nous sommes nés. Mais en plus, quand nous avons fait confiance à Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous avons reçu un ou des dons de la part de Dieu. Ceci est une expression de la grâce de Dieu. Ce ou ces dons sont des habiletés spéciales que Dieu nous accorde quand nous le reconnaissons comme maître de notre vie, afin que nous soyons en mesure de le servir. Remarquons ici que la nature de ces talents et habiletés est très précise. Le passage souligne quel est le résultat de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Rien n'oblige Dieu à nous gratifier de ses talents et habiletés. Il a simplement décidé de le faire. De plus, Dieu ne distribue pas ses dons, habiletés et talents au hasard. Il sait pourquoi il nous a créés et quelle sera la nature de notre service envers lui. Il nous a donc uniquement équipés, préparés pour chaque talent et habileté. Et quand nous les recevons, ils nous vont comme un gant. Il est parfois dommage de constater que certaines personnes sont frustrées dans l'exercice de leur travail ou de leur service envers Dieu, car elles essaient de faire quelque chose pour laquelle elles ne sont pas douées. Mais si Dieu vous accorde un don dans un secteur d'activité, voilà où vous devez employer vos énergies. Il n'est donc pas vraiment difficile de découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. Le passage mentionne également que le chrétien doit mettre à contribution le don qu'il a reçu. Cela signifie que vous avez reçu un don particulier. Dieu a créé, conçu un don pour vous. C'est pourquoi vous ne devriez jamais vous comparer à quelqu'un d'autre. Nous sommes tous nés différents. Nous sommes tous absolument uniques et différents les uns des autres. Nous pouvons nous ressembler, par exemple des jumeaux, mais nous sommes quand même différents. Et Dieu nous a tous équipés et doués en fonction de son plan. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pour quelles raisons spécifiques Dieu vous a-t-il accordé ses talents et dons? sans aucune ambiguïté possible, afin de les consacrer et de nous consacrer au service des autres. Premièrement, nous sommes doués, et deuxièmement, la raison pour laquelle Dieu nous a doués de la sorte est pour servir notre prochain. La Bible indique donc clairement l'intention de Dieu pour chacun de ses enfants. Il s'agit d'employer, de mettre à contribution et au service du bien commun ses dons et habiletés pour être une bénédiction dans ce monde. La volonté de Dieu est si claire qu'il ne subsiste plus aucune excuse pour nous défiler de nos obligations de croyants et de ne pas servir Dieu et nos semblables d'une quelconque façon. Certains pourraient dire que ce passage parle de servir nos semblables, mais comment servir Dieu? Quand nous nous consacrons à servir notre prochain, nous servons Dieu. Le bâtiment de l'Église locale n'est pas nécessairement l'endroit où nous sommes appelés à servir Dieu. Il est certainement un endroit où plusieurs dons et services peuvent s'exprimer, comme la prédication, l'enseignement, le chant et beaucoup d'autres. Mais pendant toutes les années de votre vie, le Seigneur vous appelle à exercer vos dons et talents spirituels pour accomplir son œuvre à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église locale. Aussi, quand devons-nous nous préparer à servir? Il n'est jamais trop tôt pour le faire, et même si vous êtes encore jeune, vous pouvez commencer par découvrir quels sont vos dons et vos talents. L'intervention des parents peut être cruciale à ce point. Ils peuvent enseigner à leurs enfants et les aider à découvrir leurs dons spirituels quand ils sont sauvés. Ils peuvent les aider à comprendre et à reconnaître leur habileté très tôt dans la vie. Les enfants ne perdront alors pas de temps et leur vie sera adaptée à l'accomplissement du plan de Dieu pour eux. Nos dons nous sont donc accordés en vue d'une fonction très spécifique. Nous sommes parfois portés à confondre ces deux idées. Tous nos talents, habiletés et dons trouvent leur origine dans le ciel avec Dieu. Il les envoie dans notre vie et ils sont faits sur mesure pour nous. Nul ne peut utiliser nos dons et talents mieux que nous. Maintenant, nous pouvons être soit des canaux, soit des terminaux. Un terminal marque la fin d'une activité. Tout arrête à ce point. L'activité commence quelque part et se termine là. Mais Dieu ne nous a rien envoyé pour que son action se termine là, en nous. Il nous a créés pour être des canaux qui relaient ses bénédictions à quelqu'un d'autre. Tournons maintenant dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. L'apôtre Paul nous enseigne dans ce chapitre que nous devons exercer nos dons tels que Dieu nous les a donnés. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Dieu nous accorde nos dons par son Saint-Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il existe différents secteurs et plusieurs manières d'utiliser nos dons et de les mettre à contribution. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le résultat de l'exercice de dons différents variera, même si tout vient de Dieu. Mais écoutez bien le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tournons maintenant dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Dieu a donné certains de ses enfants à l'Église. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dieu a donné ces hommes doués à l'Église dans un but précis, le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Aucun pasteur enseignant, ni évangéliste, aucun prophète, ni aucune autre personne n'a le droit de recevoir le don de Dieu, l'appel de Dieu pour sa vie, car il s'agit principalement d'appels que Dieu fait dans la vie d'une personne. Personne donc ne peut simplement décider « voilà ce que je veux faire ». La Bible indique clairement que ces personnes ont été données à l'Église. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Selon Dieu. Quelle est donc ma responsabilité de pasteur enseignant? Que suis-je supposé faire? Je dois équiper les saints pour qu'ils puissent travailler au service de l'édification du corps de Christ. En d'autres mots, ma responsabilité est de permettre à Dieu d'utiliser mes dons afin que les membres de l'Église puissent se préparer et s'équiper en vue de servir Dieu à l'intérieur de l'Église. Votre responsabilité de croyant est donc de mettre vos dons et talents au service de l'œuvre de Christ pour l'édification de son corps. C'est un travail d'équipe, et vous êtes appelés à vous assembler à d'autres membres et à collaborer avec eux dans l'exercice communautaire de vos dons et habiletés. C'est alors que le corps de Christ, l'Église, s'édifie et se fortifie pour atteindre et toucher d'autres personnes afin de les gagner à Christ. C'est seulement ainsi que le message de l'Évangile atteindra les coins les plus reculés du monde, simplement parce que nous faisons chacun notre part. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est de cette façon que l'Église, depuis Jérusalem au temps de l'apôtre Paul, s'est par la suite répandue aux quatre coins du monde. Il existe deux types de services. Le premier est un service public ou ouvert que tous peuvent voir, et le deuxième est un service caché, un service en coulisses. Beaucoup de gens aiment le service public. Ils préfèrent être regardés et reconnus. Ils aiment recevoir une petite tape d'encouragement dans le dos et se faire dire qu'ils font du bon travail. Nous aimons tous être complimentés, et c'est compréhensible. Mais d'autres personnes sont disposées à servir le Seigneur dans la discrétion la plus totale. Elles veulent demeurer incognito. Elles ne veulent pas que les gens sachent ce qu'elles font. Elles restent dans l'ombre. Vous ne les verrez pas. Elles ne travaillent pas devant tout le monde, mais elles servent le Seigneur et il les voit avec Dieu. Il n'existe aucune différence entre le service public et le service caché. Il voit tout. Il voit tous ses serviteurs et ses servantes et il les considère tous également importants. Nous avons donc deux types de services, mais aucun service n'est caché devant Dieu. Tout serviteur qui exerce son don dans la mesure où Dieu le lui a donné et qui travaille de tout son cœur est précieux et agréable aux yeux de Dieu. Cette caractéristique divine n'est illustrée nulle part mieux que dans le 13e chapitre de l'Évangile selon Jean. Nous trouvons Jésus au début du dernier repas, celui de la Cène. Il se trouve dans la chambre haute avec ses disciples. Ils sont tous assis en attendant le repas. Normalement, il revient au dernier serviteur, celui situé au plus bas niveau de l'échelle hiérarchique, de venir avec une bassine d'eau et une serviette pour laver les pieds des invités. Mais ici, dans le 13e chapitre de l'Évangile selon Jean, que fait Jésus, le Dieu créateur de l'univers et sans qui rien n'aurait pu être créé? Il s'agenouille devant un groupe de pêcheurs et de collecteurs de taxes, ses camarades, et il prend le temps de leur laver les pieds et de les essuyer. Dieu s'abaisse à laver les pieds. Or, étudiez bien ce qu'il dit. Suivez-moi dans Jean chapitre 13, verset 15. Pourquoi a-t-il fait cela? Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le message de Jésus est: maintenant que vous m'avez vu faire la tâche que vous considérez comme la plus basse et la plus humiliante donnée aux serviteurs, je veux que votre cœur soit disposé à faire la même chose. Car dans le royaume des cieux, il n'y a pas de petits services ou de tâches méprisables. Ensuite, Jésus leur enseigne que s'ils veulent faire tout ce que leur Seigneur leur demande de faire, ils seront bénis dans leurs tâches. Aucun aspect du service n'est trop petit, trop insignifiant, trop honteux, trop discret, trop caché ou trop médiocre pour un enfant de Dieu. Et aucun aspect du service n'est trop petit, trop caché ou trop insignifiant aux yeux de Dieu. Maintenant, considérons côte à côte les différents aspects du service et le fait que Dieu nous ait appelés à accomplir des tâches différentes en fonction des dons qu'il nous a accordés. Je crois que nous pouvons dégager trois caractéristiques qui devraient décrire l'ensemble de notre travail. Et je ne parle pas seulement de notre service envers Dieu, mais aussi de votre emploi ou de vos études. Premièrement, nous devrions employer toutes nos énergies à accomplir notre travail. Nous devrions nous adonner avec vivacité, assiduité et diligence au travail que le Seigneur nous confie, peu importe sa nature. L'apôtre Paul avait des vues bien arrêtées sur le sujet et il ne se gênait pas pour les exprimer. Lisons la deuxième épître aux Thessaloniciens chapitre 3. Nous nous arrêterons en particulier sur un mot, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner. Certains pourraient être surpris que l'apôtre Paul recommande la mise en quarantaine et l'isolement de certaines personnes, car cet ordre ne semble pas refléter l'amour de Christ. Mais poursuivons la lecture de notre verset. De tout frère qui vit dans le désordre, et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous. Paul ne parle pas ici d'une personne vivant dans le péché, l'ivrognerie ou faisant la fête continuellement. Le mot utilisé dans le grec original est « atactos ». Il signifie simplement « fainéant, paresseux, insoumis et indiscipliné ». Nous devons donc nous éloigner de tout frère, c'est-à-dire de tout croyant, qui fait preuve de paresse et d'indiscipline. Pourquoi donne-t-il des consignes aussi dures? Parce qu'il ne veut pas que ces gens exercent une mauvaise influence sur l'Église, ni qu'elle soit contagieuse par-dessus le marché. Poursuivons notre lecture au verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Le mot employé ici est le même que dans le dernier verset, fainéant, paresseux, insoumis et indiscipliné. Versets 8 et 9. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit. Paul tient à préciser qu'il aurait pu s'attendre à ce que, en tant que serviteur de Dieu, l'Église pourvoie ses besoins. Poursuivons notre lecture. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». C'est un bon principe. Tu ne veux pas travailler, alors tu ne mangeras pas. Il existe des gens qui ne peuvent pas travailler, mais beaucoup d'autres qui ne travaillent pas le pourraient s'ils le voulaient. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Encore une fois, du mot grec « atactos ». Au sens de indisciplinés, paresseux, fainéants, insoumis, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité. Nous pouvons maintenant sauter au verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Mener une vie oisive et être fainéant, paresseux, insoumis ou indiscipliné n'est pas compatible avec une vie chrétienne. Nous sommes les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu et nous faisons partie du corps de Christ. Dieu nous a accordé des dons et des talents pour nous consacrer à l'honneur et à la gloire de notre Maître en le servant et en servant notre prochain. Nous n'avons donc pas le choix. Faire autrement serait faire preuve de désobéissance. Faire autrement équivaudrait à nous montrer paresseux dans l'œuvre du Seigneur. Faire autrement serait faire preuve d'insoumission et d'indiscipline à l'égard de Dieu. Deuxièmement, il nous faut être enthousiastes. Nous devons accomplir notre travail dans l'enthousiasme, en nous montrant inspirés, motivés et même excités par l'œuvre de Dieu dans notre vie. Cela, aussi bien pour l'œuvre déjà accomplie que pour celle à accomplir pour atteindre la pleine stature de Christ. Voilà de quelle façon nous devrions servir le Seigneur. Tournons maintenant dans Colossiens chapitre 3. Paul décrit notre service un peu différemment. Si nous voulons vraiment servir le Seigneur pour lui être agréable, nous allons le faire avec enthousiasme, ferveur et créativité. Remarquez bien le verset 22. « Serviteurs, Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Le prochain verset devrait diriger notre vie de service. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Quel que soit le travail que Dieu nous confie, qu'il s'agisse de visser des tarots sur une ligne d'assemblage ou de prêcher l'Évangile, il n'y a aucune différence. Nous devons nous montrer obéissants dans l'un comme dans l'autre. Nous devons accomplir notre travail de bon cœur ou, si vous préférez, de tout notre cœur. Cela signifie que nous ne devons pas effectuer le travail comme une routine, en pensant à autre chose, en ayant hâte à la fin de la journée. Au contraire, nous devons prendre les choses à cœur et donner tout ce que nous avons avec énergie, enthousiasme et ferveur, car Dieu accomplit son plan dans notre vie par les circonstances qu'il provoque. Voilà pourquoi il nous encourage à tout faire comme si on le faisait pour le Seigneur. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. En fin de compte, c'est le Seigneur que nous servons. Peu importe ce que nous faisons dans la vie, nous servons le Dieu vivant. Il n'existe aucune excuse qui vous dispense de servir Dieu. Personne ne pourrait donc invoquer une raison pour refuser de servir Dieu d'une quelconque manière. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun et chacune de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Troisièmement, nous devons agir avec excellence. Vous vous demandez peut-être où j'ai pu pêcher une telle idée. Vous avez lu la Genèse, le premier livre de la Bible, et vous connaissez sans doute ce verset par cœur. Si vous le voulez, vous pouvez vous y rendre. Le début de la Bible décrit la création du monde par Dieu. Ce dernier a tout créé. Et comment Dieu a-t-il évalué l'ensemble de sa création? Dieu a considéré tout ce qu'il avait fait. Sa conclusion? Tout était très bon. Nous avons tous droit à l'erreur. Dieu nous connaît trop bien pour s'attendre à la perfection de notre part. Toute personne qui fait quelque chose fait face à l'échec de temps à autre. Mais nous avons quand même la responsabilité de faire de notre mieux. Certaines personnes peuvent faire mieux que d'autres, tandis que d'autres feront moins bien. Mais la question n'est pas de se comparer aux autres. Il est question ici d'être responsable de ce que nous faisons et de le faire de notre mieux. Il ne sert à rien d'essayer de rationaliser un travail bâclé et expédié à la hâte. Dieu mérite toujours ce que nous avons de meilleur et il le demande. Car il nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Il nous a donné le meilleur don. Il nous a donné le meilleur talent. Celui qui convient le mieux à notre caractère et à notre personnalité. Rappelez-vous qu'il nous a tous créés de A à Z. Il sait mieux que personne, nous y compris, ce qui nous convient. Et en retour, il attend de nous le meilleur que nous puissions lui offrir. Revenons à notre premier verset de 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons d'abord dit que chacun de nous a reçu un don qui doit être mis au service des autres. Regardons maintenant la première partie de ce verset. Que veut dire Pierre par dispensateur des diverses grâces de Dieu? Simplement ceci. Nous devrons tous rendre compte à Dieu de notre façon d'utiliser nos dons. Nous sommes les dispensateurs de Dieu. Un dispensateur est une personne qui s'est vue confier quelque chose par une autre personne et qui devra lui en rendre compte. Ce passage indique donc clairement que nous devrons rendre compte de l'usage des dons et talents que Dieu nous a confiés. Un avertissement de même nature, mais encore plus précis, est mentionné dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, c'est-à-dire la volonté de son maître, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Il est absolument essentiel de bien comprendre ceci. Dieu ne vous comparera à personne d'autre. Il considérera ce que vous lui aurez procuré en retour de son investissement en dons, en talents, en habiletés et en capacités. Le seul étalon de mesure qu'il utilisera pour vous juger est votre propre capacité à le servir, pas celle des autres. Dieu nous prévient. Nous devrons lui rendre compte de notre vie, de notre temps, de nos pensées, de nos talents et de nos dons. Que faisons-nous de toutes ces choses? Comment les employons-nous au service des autres? Je vous mets au défi de répondre à cette question. Que suis-je vraiment capable de faire? Quel don Dieu m'a-t-il accordé? Ne vous donnez même pas la peine de répondre. Je crois qu'il m'a oublié. C'est impossible. Chacun de nous a reçu au moins un don de la part de Dieu selon sa grâce. Demandez-vous alors, quels sont mon ou mes dons spirituels? Ensuite, demandez-vous de quelle manière précise vous servez les autres avec vos dons spirituels et vos talents. Il est écrit que nous devons être au service les uns des autres dans le corps de Christ. Comment accomplissons-nous cela? Comment accomplissez-vous cela? Que voulez-vous faire? Vous laissez aller à la dérive dans la vie en négligeant vos dons ou en les utilisant d'une mauvaise façon? Ou préférez-vous les mettre à contribution d'une manière qui procure honneur et gloire au Dieu Tout-Puissant? Je prie pour que votre vie ne soit pas gaspillée, mais qu'elle porte du fruit pour l'éternité dans cette vie. À vous de prendre cette décision. De consacrer votre vie à l'accomplissement de la volonté de notre grand Dieu, de votre Dieu, Sauveur et Seigneur. Charles Stanley nous a enseigné aujourd'hui que Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons spécifiques et que ces dons ne doivent pas être utilisés exclusivement pour notre propre bénéfice. Nous devons donc d'abord découvrir nos talents spéciaux pour ensuite les consacrer au service des autres sous la direction du Seigneur. Jésus appelle chaque croyant à devenir un serviteur, car l'obéissance à ses commandements constitue la preuve réelle de notre amour et de notre dévotion pour lui. C'est ce que dit 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.